Bolingo awa esi ekomi fimbo babetaka mumbu we eyaki comme un don du ciel lelo ekomi testament ya mobola eza Keita Kulama susi etungisi motema nanga bandosi sango makasi yanga kadosi bolingo yo nakabela motema na yo Keita Kulama. Je me perds dans mes pensées, je me terre en pensant à notre amour impossible, insensé. Amour insensé, cet amour insensé qui me brûle, une passion qui me ronge, me dévore. Amour insensé, Angélique Parizeau. Philippe, Jamar, Ponton, Label. Kosambele l'équipe oyo zonga, na komi adepte à l'amour na yo. Naza prête ya koko mamo pepe, ouzala toujours na besoin nanga. Kaina yo kwami mingi. Restaurant cactus na pointe noire. Patrick Chalala, carnaval, casino. Zuloué Makobo, salon Santos, Laetitia, Kabea. Grand sénateur Gabriel et Henriette Zambila. Ce soir je me perds, dans mes pensées je me perds, en pensant à notre amour impossible, insensé. Amour insensé, cet amour insensé qui me brûle, une passion qui me ronge, me dévore. Jonas Kufuya, Moutou Michel, Thierry Kulama, Moto ya Bolingo a taille multiba degré. Des oki sakateo, Natikali Maboko Pambae, Faustin Vitika, Listo Lisika, Rémi Ayayos, Florian Miokono. Ce soir je me perds, dans mes pensées je me perds. À notre amour impossible, insensé. Amour insensé, cet amour insensé qui me brûle, une passion qui me ronge, me dévore. Amour insensé. Je fais bolingo na moto et kosika te. Mama moto ya bolingo ebomakate yo. Yango baby kisaka nango te. Nina braza nina ki. Yango yo misukaka na motolu. Obangaka mabakute. Ata moto bolingo eza en mille degrés. Kisaka te yo. Ata yango eza en million de degrés. Banda tu trouve formule ya pondu. Teke lango baba ya teo. Bolingo zani tintaba ebonga kate na singa. Sunte kosenga ni banda banda. Facture a bolingo zalaka toujours impayé. Zena zela mon kombo soa zanga mokila. Keita Kulama mwana braza. Eziki saka teo. Ata yango eza en million de degrés. Eziki saka teo. Banda tu trouve formule ya pondu. Teke lango baba ya teo. Yeah, yeah. Ezi ki saka teo. Hey. Ezi ki saka teo. Rombo mondo. Mama moto ya bolingo etumba kate. Ezi ki saka teo. Okio. A chauffé au millier de degrés. Ezi ki saka teo. A Kata yango eza au million de degrés. Banda tu trouves formule ya pondu. Teke lango baba ya teo. Bolingo zane pinta ba ebonga kate na singa. Sunke ko senga li panda. Factura bolingo zalaka toujours impayé. Zela zela mokombo so azanga mokila. Fiakula e fimbo ya bolingo koko fateo. Gérard Malouzi qui s'accateo. Banda t'autre va former l'ango, t'os salan ango rien.